Oh my God, oh my God. Oh shit. Oh my God. Quand on parle carré, je regarde mon miroir. Quand on parle vrai négro, je regarde les miens. Quand on parle d'or, je regarde mes mains. L'enfer du sale, ouais, c'est ça l'idée. J'attends personne pour me valider. J'ai toujours de quoi les faire saliver. Si je passe devant toi, tu seras fasciné. Ceinture Ferragamo, je vais les fumer. Sur la banquette du club, je suis debout. Chant du parking pour mes gars, sors toutes les bouteilles de bâtard. Compose le 18 après mon passage. Un bâtard, tu es ton père mon passage. Aucun individu ne peut m'effacer. T'opposer à nous, n'en est pas ça. En argent, en or, je serai médaillé. On vient en paix pour faire la guerre dans le club. Bon, en business, on voyage pas à nous. À chaud dans chaque ville, on tombe pas à nous. La cible est touchée, on chute pas à nous. Le club est full, on showcase pas à nous. Un homme sauvage élégant, je pourrais te demander ta main, mais juste pour une nuit. Fuck la politesse, fuck avoir la permission, on se sert sans demander. Oui, je suis patient, laisse-les prendre l'ascenseur, on va prendre l'escalier. Oui, je suis bankable, dites à ceux qui veulent miser, c'est maintenant ou jamais. Toujours dans ces choses, mais toujours dans ce truc, mais oui, oui, je suis refait. Mon monde, je les refais.